regardez impassible votre front rougissant. Je n'ai plus pour défendre si j'ai le péché pour moi. Pour apaiser votre émoi, vous plaît-il de me le rendre? Vous l'avez pris, rendez-le-moi, vous l'avez pris.